Evariste Ndikomanyanga. Alphonse Kougimana Soulem Zanonde, bienvenue chers auditrices et auditeurs à ce journal. Et donc voici d'abord le sommaire. Le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, appelle la population d'Orumongue à s'adonner aux activités pastorales puisque le marché est désormais disponible. C'était ce mardi lors de l'inauguration à Orumongue d'un abattoir moderne. Les sociétés d'assurance du Burundi annoncent pour très bientôt la digitalisation des paiements d'assurance. Vous entendrez à ce propos les précisions du président de l'Association des assureurs du Burundi. Renova Garungu s'exprimait ce lundi lors du lancement de la troisième édition de la semaine dédiée à l'assurance. Le gouverneur de la province Ngozi promet une adduction d'eau potable sur toutes les collines de cette province avant la fin de cette année. Notre correspondant nous en dira plus au cours de ce journal. Et dans la chronique santé, un neurologue nous donnera des éclairages sur les convulsions. Bienvenue à cette édition. Isanganiro, la radio de l'avenir. Inauguration ce mardi de l'abattoir moderne d'Orumongue par Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Alors que cet abattoir fait face à l'insuffisance des bêtes à abattre, le président de la République appelle la population à s'adonner aux activités pastorales puisque le marché est désormais disponible. Une information que nous devons à notre confrère correspondant Jean-Pierre Misago. Cet abattoir inauguré par le président de la République du Burundi ce mardi a une capacité d'abattre 100 vaches par jour au regard de ses équipements, selon Rajabu Amisi, son directeur. Mais durant les 3 semaines d'essai que cet abattoir fonctionnait, le nombre de vaches abattues oscillait autour de 10 par jour. Par manque de bêtes à abattre sur le marché, a déploré la Javu Amisi. Dans son discours de circonstance, Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, a appelé la population burundaise en général et celle de Orumongue en particulier à s'adonner à l'élevage, surtout des bêtes d'abattage. L'inauguration de cet abattoir régional et moderne constituant le lancement des activités d'un vaste marché des bêtes d'abattage. L'inauguration de cet abattoir érigé à Mutambara a clôturé la caravane Inhebuzo en province de Orumongue. Jean-Pierre Misago, depuis Mutambara, Radio Isanganiro. Et les nouvelles demandes d'accréditation des structures sanitaires, à savoir les pharmacies, les écoles paramédicales ainsi que les centres optiques, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Cette décision a été annoncée par le ministre de la Santé au cours d'un point de presse ce mardi. La ministre Lidwine Baradahana indique que l'une des décisions qui a poussé le ministère à prendre cette décision est de lutter contre l'implantation anarchique de ces structures sanitaires. Suivez-la. Depuis la sortie de la note au public du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida du 28 avril 2023, il a été amèrement remarqué qu'un grand nombre d'établissements de santé privés, c'est-à-dire les pharmacies, les centres optiques, les laboratoires d'analyse médicale et les écoles paramédicales ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur. En effet, les résultats de la cartographie des établissements de santé montrent qu'il existe un surnombre de ces structures dépassant énormément les besoins du pays. Il a été remarqué une implantation anarchique de ces dernières, beaucoup de structures frauduleuses, en plus du non-respect des normes en vigueur. En conséquence, le plan d'implantation de la couverture sanitaire n'est plus respecté. De plus, il a été constaté des spéculations multiformes relatives à la vente et au transfert des structures de soins et pharmacies dont les documents sont frauduleux. Cette situation rend fastidieuse, voire impossible, la régulation du secteur pharmaceutique avec une prolifération de médicaments de qualité inférieure, des soins de mauvaise qualité dispensés dans ces formations sanitaires proliférantes, une main-d'œuvre du secteur paramédical avec des capacités insuffisantes pour assurer une offre de soins de qualité. Face à cette situation, en vue de protéger la santé de la population, d'offrir des soins de qualité, de renforcer la régulation du secteur pharmaceutique et le contrôle de qualité des médicaments, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida porte à la connaissance du public les mesures suivantes. Les nouvelles demandes d'autorisation d'ouverture au public des structures privées, c'est-à-dire les pharmacies de gros et de détail, les centres de santé et les centres médicaux, les centres optiques, les laboratoires d'analyse médicale et les écoles paramédicales sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Seuls les dossiers dont les demandes ont été enregistrées au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida avant la prise de cette décision bénéficieront du traitement conformément aux normes d'accréditation et au plan d'extension de la couverture sanitaire en vigueur au Burundi. Et le taux d'adhésion dans les mutualités communautaires de santé au Burundi reste toujours faible et est chiffré à 2,4%. Cette situation a été présentée ce mardi dans une réunion d'échange sur la thématique de mutualisation du risque maladie visant la couverture sanitaire universelle au Burundi. Le secrétaire permanent au ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, Dr Olivier Nijimbere, signale que les raisons sont multiples, comme le manque de culture de prévoyance. Il interpelle les Burundais à adhérer beaucoup plus dans ces mutualités communautaires pour bénéficier les soins de qualité, n'est-ce pas Jean-Marie Mayong? La classification et la catégorisation de la population selon le niveau socio-économique afin de déterminer le niveau de contribution pour l'assurance maladie universelle, subventionner les soins pour les populations vulnérables et le renforcement des mutuelles de santé à mesure de bien gérer les mutuelles de santé. Telles sont quelques pistes d'amélioration des soins de santé primaires vers la couverture sanitaire universelle. Lors d'un atelier d'échange et de réflexion sur la mutualisation des risques et maladies visant la couverture sanitaire universelle au Burundi, Dr Olivier Nijimbere, secrétaire permanent au ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, a précisé que le niveau d'adhésion dans les mutualités de santé communautaires est trop faible. Lorsque nous parlons de couverture sanitaire universelle, nous comprenons que l'objectif c'est que l'ensemble de la population puisse accéder à un paquet de soins de qualité, des soins préventifs, des soins curatifs, des soins palliatifs, des soins de réadaptation et de promotion de la santé, sans engendrer des difficultés financières aux bénéficiaires. Le niveau d'adhésion est encore faible. Si par exemple, pour le secteur formel qui adhère à la mutuelle de la fonction publique, nous sommes à moins de 10%. En ce qui concerne les mutuelles communautaires, nous sommes encore à moins de 2%. Vous comprenez donc qu'il y a une grande partie de la population qui n'a pas une mutuelle. Et les raisons sont multiples. Ce manque de culture, de prévoyance. La population adhère à des mutuelles en cas d'épisode de maladie, alors que nous devrions plutôt faire l'inverse et adhérer à ces mutuelles avant la maladie pour permettre aux plus vulnérables de profiter de ces ressources pour se faire soigner sans tenir compte de leur vulnérabilité financière. Mais il y a aussi cette fragmentation pour laquelle nous devons aussi trouver des stratégies pour mettre en commun les ressources et les risques. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer vers la couverture sanitaire universelle. Certains médecins directeurs des provinces signale que la présence de ces mutualités communautaires dans les provinces en un petit nombre fait que la population n'y adhère pas. Dans notre province interne de Cibitoke, je ne peux pas dire que la population y répond massivement parce que dans toute la province, on a une série de mutualités qui regroupent les crédivateurs du thé à l'OTB Mawaï. Sinon, la population adhère à la carte d'assistance médicale qui se donne quotidiennement dans les formations sanitaires. Francine Mounezero, qui a fait une présentation sur l'état des lieux en matière de mutualisation des risques et maladies au Burundi, surtout au niveau communautaire, a montré que les mutuelles communautaires de santé garantissent l'accès des membres aux soins de santé sans risque d'entraîner les adhérents dans les difficultés financières. Elle a terminé en disant que la mise en place d'assurance maladie obligatoire de la carte de santé universelle pourrait améliorer la santé de la population burundaise. Vous n'avez pas Isanganiro? vous ratez l'essentiel. L'actualité continue sur Isanganiro. Les sociétés d'assurance du Burundi comptent prévoir une assurance pour les victimes des catastrophes naturelles. Ceci a été annoncé ce lundi par Enova Gahungu, président de l'association des assureurs du Burundi Assure. C'était au cours du lancement de la troisième édition de la semaine dédiée à l'assurance. Il a aussi indiqué que bientôt les compagnies d'assurance développeront la digitalisation pour faciliter le paiement des assurances. Suivez Renova Gahungu, président de l'Association des assureurs du Burundi. Au courant de cette semaine, nous allons nous atteler à des thèmes un peu importants et qui sont aujourd'hui d'actualité pour le marché burundais comme les autres marchés. Nous allons développer par exemple l'apport de la digitalisation dans le développement de l'assurance. Vous le savez, aujourd'hui, lorsqu'il vous faut transférer de l'argent, vous le faites via vos téléphones. Il faut que également vous soyez en mesure de prendre votre assurance par téléphone ou que vous soyez en mesure de consulter ou de vous adresser à des compagnies à travers vos téléphones sans pour autant se déplacer. Nous allons également parler du rôle de l'assurance dans la prévention des catastrophes naturelles. Vous voyez les catastrophes qui s'annoncent ici comme ailleurs. Et je crois que ailleurs où l'assurance est développée, ces catastrophes sont couverte par la police d'assurance. Si je donne l'exemple des inondations qui font bouger les gens sur tout le long du lac Tanganyika, là, ça devrait être couvert, ça devrait tomber dans la couverture de l'assurance pour essayer d'atténuer l'impact que cela cause aux ménages et aux pays, si je peux dire ainsi. Nous allons également essayer de voir comment est-ce qu'on peut propulser ou inculquer le développement de l'assurance agricole sur notre marché. Vous voyez, le pays vit à plus de 70% de l'activité agricole. Il faut que l'assureur intervienne dans le développement et dans la protection et dans l'encouragement et dans la couverture des risques que peuvent subir les agriculteurs. Et du coup, il pourrait y avoir un développement agricole quitte à même développer des cultures d'exportation pour essayer un peu de dégager ou d'acquérir des devises, si je peux dire ainsi. Et l'Association burundaise des consommateurs à Boucan en sigle exprime sa préoccupation par rapport à la vérité des à la vente des boissons très alcoolisées qui s'observent dans le pays. Le secrétaire général de la Bouco le déclare après les plaintes de certains de la capitale Bujumbura, comme quoi ces boissons sont nuisibles à la santé. Noël Ngurunziza estime qu'il faut une synergie de tous les intervenants dans ce secteur pour que de telles boissons soient retirées du marché. Suivez-le. Oui, l'Association burundaise des consommateurs suit de près la commercialisation de certains produits alcoolisés, surtout les nouveaux produits qui inondent le marché et qui sont de plusieurs variétés et plusieurs appellations. Mais le constat malheureux est que ces produits sont finalement nuisibles à la santé des consommateurs et je pense que c'est contre-productif vouloir produire et vendre un produit qui, finalement, ne permet pas à la population de garder sa bonne santé, de vaincre ses obligations. C'est que, justement, il y a à revoir cette situation de production, de commercialisation de ces produits. Et nous soutenons donc au niveau de la Bouco la suspension du produit Sapor qui est prise par le Bureau burundais de normalisation parce que l'ensemble de ces produits alcoolisés qui inondent le marché, ils portent le logo du BBN pour dire que le BBN est supposé avoir examiné ces produits. Mais nous pensons que le suivi est autre chose. Alors, nous, au niveau de la Bouco, parce que finalement, il y a une grande variété de produits qui inonde le marché des produits et surtout alcoolisés, et que le consommateur burundais n'est pas éduqué en matière de consommation des produits alcoolisés à haut degré, il faudrait alors qu'il y ait des états généraux sur la commercialisation, la production des produits alcoolisés et pouvoir finalement dégager des orientations qui puissent sécuriser et le producteur et le consommateur avec aussi des programmes de sensibilisation, de formation. Nous savons que le consommateur burundais, la plupart, ne savent pas finalement comment se comporter devant de tels produits très alcoolisés et c'est pour cela qu'il faut absolument que chaque pays puisse s'organiser conséquemment par rapport justement au niveau de connaissance de sa population et ces états généraux pourraient finalement orienter les décideurs au niveau de l'autorisation d'un nouveau produit, la production et la commercialisation, mais aussi des mesures pour éduquer les consommateurs. Captez Isanganiro, écoutez la différence. place à l'agriculture à présent, les cultivateurs des avocatiers des provinces Kayanza et Muyinga pratiquent le greffage à raison de la bonne production que donne ce système par rapport aux avocats traditionnels. Jean-Claude Barutwanayo, gouverneur de cette province, indique que ces avocats modernes rapportent beaucoup d'argent sur le marché international. L'agronome de la commune Gattara de la province Kayanza a affirmé quant à lui que chaque colline de cette commune possède une pépinière de plus de 12 000 avocatiers. Une preuve que les habitants de cette commune ont été sensibles aux enseignements reçus sur le greffage. Jean-Marie Vianenge Dakumana pour plus de détails. Pour greffer, les avocats ont semé les graines d'avocats à l'aide du support et une fois atteint une dimension d'un demi-mètre, on coupe les greffons pour les planter dans un avocatier à greffer. Explication de Régile Nzeimana, agronome communal Gattara en province de Kayanza. J'aimerais vous dire qu'avant de greffer, on cherche les greffes. Les greffons, on recherche sur les avocatiers qui sont matures. Il y a des spores. Nous sémons les graines d'avocat pour avoir des spores greffons. Une fois ces spores greffons atteignent un demi-mètre, on les coupe et on amène le greffon. Lors du processus de greffage, le Gilles Nzeimana précise qu'il est conseillé d'utiliser le produit chimique appelé benelate dans le but de protéger les avocatiers contre des bactéries. Il est conseillé d'avoir le produit chimique, je dirais, appelé benelate. Ce benelate-là, c'est pour prévenir qu'il y ait des bactéries. Une fois le greffon est coupé, le spore greffon coupé pour le coller, on met le greffon dans le benelate mélangé de l'eau. Et on colle ce spore-là et le greffon. Et puis, on fait un bandage avec un sachet. Puis on cherche pour le chapeau fait par le sachet pour couvrir et prévenir d'autres bactéries qui peuvent venir après. L'insuffisance des graines de ces avocats modernes reste le défi majeur qui hante ce système de greffage, selon toujours l'agronome communal Gattara. Les difficultés ne peuvent pas manquer. Au moment de semer ces avocats-là, ces graines-là des avocats nous manquent. Aujourd'hui, comme vous voyez que ce projet est devenu le projet de l'État où les collines ont beaucoup de ces pépinières-là. Une pépinière compte 12 000 avoir des graines pour mettre là dans les sachets-là. Ça nous coûte beaucoup. Jean-Claude Barutwanayo, gouverneur de la province Muyinga, indique que l'administration ne cesse de sensibiliser les agriculteurs de planter ces avocats modernes du fait qu'ils sont beaucoup sollicités sur le marché international. Sur le marché international d'avocats, on préfère donc les avocats bio que peut-être d'autres types d'avocats. Alors, parler d'un avocat bio, ça demande beaucoup de choses. Tu peux même les cultiver marqués en marché. Tu dois avoir le certificat d'origine. Ces avocats doivent être certifiés parce que si tu les produis sans que tu aies un certificat, tu vas manquer là où les exporter, là où les vendre. Le gouverneur Barutwanayo précise qu'une fois la récolte sera abondante, l'administration compte créer une industrie de transformation de cette culture d'avocats. Restons au nord du pays où le gouverneur de la province Ngozi promet de l'eau potable à toutes les collines de cette province avant la fin de cette année. Désiré Minane, il a dit ce week-end lors d'une visite effectuée en zone Rukecho de la commune Busiga. Selon lui, l'adduction d'eau par forage sera faite dès septembre prochain pour prendre fin en décembre. Radio Isanganiro, chronique santé. Les convulsions sont provoquées par des décharges d'influx nerveux anormaux dans le cerveau. Explication donnée par le neurologue Nestor Nsengiyumva, tout en soulignant que les causes sont généralement liées aux événements passés pendant la grossesse, comme un accident ou un retard pendant l'accouchement. Un bébé qui ne pleure pas à la naissance ou qui ne grandit pas comme les autres de son âge sont certains signes qui montrent que l'enfant souffre de cette infirmité motrice et cérébrale chronique santé avec Ornella Mucho. Les convulsions néonatales sont à l'origine d'une agression du cerveau. Selon le neurologue Nestor Sanguiumba, cette agression du cerveau est causée par différents événements qui ont eu lieu pendant la grossesse ou l'accouchement. Son neurologue donne l'exemple de la violence conjugale ou la prise de certains médicaments pendant la grossesse pouvant provoquer des risques pour le futur bébé dans ses convulsions. Si pendant la grossesse, quelque chose se produit, une infection, un traumatisme, si je dis traumatisme, il faut entendre des traumatismes de la voie publique, mais aussi il faut entendre des traumatismes à domicile. Ici, je vais dire les hommes qui frappent les femmes qui sont enceintes. Alors, ces traumatismes-là, même si ça ne cause aucune plaie visible sur le corps de la maman, alors ça peut affecter l'enfant que la maman porte d'une manière ou d'une autre. N'importe quel événement qui se passe pendant la grossesse, ça peut causer une souffrance du cerveau et cela alors devient un terrain favorable pour l'apparition de ces convulsions. Il indique également quelle autre cause peut être liée au retard de l'accouchement pouvant endommager le cerveau de l'enfant. Pendant l'accouchement, qu'est-ce qui peut se passer? D'abord, si l'enfant naît prématuré, donc l'enfant n'avait pas encore achevé sa croissance intra-utérine à l'intérieur de sa maman, là, l'enfant devient à risque. Si l'accouchement est prolongé, donc la maman a commencé le travail, l'accouchement, et puis ce travail, cet accouchement a été prolongé et pour diverses raisons, diverses causes. Alors, le cerveau va souffrir, alors cela va endommager le cerveau et alors le cerveau qui est endommagé ne va pas bien se développer et alors il peut être à l'origine de cette pathologie, de ces problèmes. Les membres qui s'agitent involontairement est l'un des symptômes de ces convulsions. Alors, il s'agit des enfants qui ont une spasticité. C'est cela d'ailleurs qu'on appelle les paralysies cérébrales spastiques. Donc, et ces enfants ont une spasticité. C'est quoi? Donc, c'est la rigidité, c'est, je peux dire, la raideur de l'aile musclée. Donc, il devient difficile de plier l'aile membre. Donc, l'aile membre sont un peu rigide ou spastique. Ça, c'est la première catégorie. Alors, la deuxième catégorie, il s'agit de la forme qui cause des mouvements involontaires. Les mouvements involontaires, vous allez voir les enfants qui font les mouvements ou bien des postures. C'est ce que nous appelons postures dystoniques, où le bras tout entier ou bien les membres inférieurs et les jambes. Donc, assume une posture anormale ou bien juste des mouvements qui sont anormaux. La prise en charge repose sur le traitement pour soulager les symptômes et il est très important de le faire. C'est ce que le neurologue Nestor Sanguiumba expliquera dans notre prochaine chronique santé. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kougimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikovanenga. Bonne suite des programmes sur le Sanganiso. Oh,